chez Dolbo Auto. Le mois d'août, c'est le mois du camion avec le Silverado 1500 à cabine multiple. Financement à 0% sur 72 mois, plus 2 900 $ en remise au comptant à la livraison. Ou encore le Colorado 2019 à 1,99% pendant 60 mois, plus 1 250 $ en crédit total de financement. Profitez des rabais préférentiels aux membres Costco admissibles. Dolbo Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, Dolbo Mistassini, 276-0580. Et n'oubliez pas de visiter notre page Facebook pour les différentes promotions. Le nom d'Hendrix Lapierre était sur tous les lèvres après sa performance au trophée ou à la Coupe Ivan Ninka-Wayne Gretzky en République tchèque. Question de savoir un peu comment il a trouvé ça, son expérience, le joueur des Saguenay de Scoutimi, on lui parle. Salut Hendrix. Salut. Hendrix, vraiment, tu as été vraiment surprenant et on a parlé beaucoup de toi au Canada et vraiment la façon et tes performances et ainsi de suite. Est-ce que tu as été vraiment surpris du calibre de jeu qui était là-bas ou est-ce que tu es vraiment surpris aussi de ta performance? Je suis arrivé là-bas, je suis arrivé au camp en confiance. Je pense que ça s'est pas bien été dès le départ, donc ça m'a donné confiance. C'est sûr que là-bas, c'est du très bon calibre, mais je pense que ça avait une bonne équipe puis j'avais la chance d'évoluer avec des bons joueurs. Donc ça m'a vraiment aidé, mais je crois que le camp à Calgary m'a donné un petit coup d'énergie pour le tournoi, puis c'est vraiment plaisant que ça ait bien été. Tes compagnons de trio ont bien fait le travail avec toi, et ça c'est important d'avoir une bonne chimie avec tes compagnons de trio, là. Ouais, c'est ça, comme j'ai mentionné, j'ai eu la chance de jouer avec des vraiment bons joueurs, que ce soit au camp ou au tournoi. J'ai eu la chance de jouer avec Cole Perfetti au tournoi, je pense que ça allait très bien, nous deux, on se complétait assez bien. Puis il y avait aussi Justin Sorliff sur notre ligne qui était dans les coins et qui faisait des jeux pour nous. Donc, c'était super plaisant. Puis c'est le fun de pouvoir jouer avec les deux très bons joueurs. OK. Partir au mois d'août même, au début du mois d'août, c'est évoluer et faire un tournoi quand même d'une grande, on pourrait dire, d'une grosse compétition. Est-ce que c'est difficile? Pas tant. Je me suis entraîné vraiment fort cet été. Donc, j'étais prêt. Dès que l'invitation a été envoyée, je savais que je m'envolais pour Calgary. Puis je voulais être vraiment prêt. Donc, je te dirais que je suis content d'avoir commencé même avant la saison, d'avoir touché à la glace, puis que ça ait bien été comme ça aussi, c'est super plaisant, puis ça serait plus jamais une incitation dans un tournoi comme ça. OK, effectivement. Et là, ta performance a fait en sorte que vraiment t'as monté, là, les recruteurs ont parlé de toi. Tu savais-tu Greg Button, qui est probablement la personne la plus... un des insiders, pas des insiders, mais un des gars qui suit le hockey junior, ta place maintenant troisième en Amérique du Nord, comment tu trouves ça? Ben, c'est sûr que c'est plaisant. C'est vraiment flatteur de voir mon nom là parmi tous les joueurs. Par contre, c'est juste une liste. Puis tu sais, je suis jamais assez satisfait. Donc je veux vraiment continuer de monter partout. Puis même si je suis pas tant bien classé non plus, ça me dérange pas. Je veux juste donner le meilleur de moi-même. Mais c'est sûr que comme je m'entraîne, c'est vraiment flatteur. Je pense que avec le tournoi que j'ai eu, puis tout, c'est quand même mérité. Donc je suis quand même vraiment content. Penses-tu que tu es un meilleur joueur maintenant avec ta performance au tournoi Vaninka? Non, je crois pas. Je pense que c'est sûr que ça a aidé. Peut-être qu'il y avait un peu de monde qui me connaissait pas tant, que maintenant ils savent je suis qui. Mais je pense que ça reste juste un tournoi parmi plusieurs. Puis comme j'ai mentionné, c'est vraiment plaisant d'avoir bien fait là-bas. Mais il reste encore une année complète. Il y a énormément beaucoup d'autres joueurs qui sont incroyables. Donc je pense que ça va être vraiment relevé. Mais c'est sûr que ça donne beaucoup de confiance d'avoir bien performé. OK. Là, maintenant, comment tu vois ton arrivée au camp des Saguenay de Scoutimi? C'est une grosse année. Évidemment, les partisans et les attentes sont énormes. Il y en a qui même voient le final, qui visent rien de moins que le Final Four. Comment tu trouves ça? Est-ce que tu es prêt à composer avec cette pression-là? Oui, c'est sûr. Je pense qu'on aura une très, très bonne équipe. On le savait à la fin de l'année passée. On a beaucoup de très bons joueurs qui reviennent, qui arrivent. Donc c'est sûr que je pense qu'on aura une équipe compétitive, puis il va falloir qu'on commence dans le camp tout de suite. Mais c'est sûr que, comme j'ai mentionné, on a plusieurs bons joueurs qui vont revenir avec nous cette année. On ne sait pas encore si, par exemple, Kotkov revient, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui nous voient dans le top, puis on va essayer de se rendre là, on va travailler vraiment fort. Donc. OK. Donc, ça va commencer bientôt, ça va commencer le camp d'entraînement. Donc, Hendrix, on va te souhaiter la meilleure des chances, une bonne saison avec les Saguenay de Scoutimi pour plaisir de se parler durant la saison. Parfait, merci beaucoup. Hendrix Lapierre qui a brillé lors du tournoi Ivan Ninka République tchèque.